grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Palestrina, prince de la musique. Bonjour et bienvenue dans Grand Compositeur avec Palestrina. C'est Palestrina que vous écoutiez, interprété par l'ensemble Stile Antico. Aujourd'hui, on peut se poser la question, Rome vaut bien quelques messes, mais quel genre de messe pour Palestrina au cœur du XVIe siècle ? Je pense à cela avec cette musique totalement éthérée, musique profondément religieuse, mais en même temps musique torride en ce qui concerne le texte. C'est tiré du Cantique des Cantiques et vous pourrez interpréter cela absolument comme vous voudrez, particulièrement en les circonstances que nous connaissons depuis deux semaines, par exemple. Tenez, voilà ce qui est chanté dans ce Cantique des Cantiques. « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Alors, voilà le texte, bien sûr, ambivalent, hein, si l'on veut, que mettait en musique Palestrina, qui a eu une relation extrêmement étroite avec la papauté, enfin en tout bien tout honneur bien évidemment. Hein. Il a quand même servi sous une bonne dizaine de papes durant une carrière extrêmement longue, qui l'a, on le sait, surtout amené à composer des œuvres religieuses. La polyphonie romaine, c'est lui, mais il n'y a pas que la polyphonie. Thank you. j'imagine, il y a les madrigaux de Palestrina. Et puis ensuite, ces madrigaux sont tellement célèbres, et le compositeur lui-même, notre grand compositeur de la semaine sur France Musique, est tellement célèbre que d'autres compositeurs, comme Francesco Rognoni, à l'instant, ou juste auparavant, le luthiste Giovanni Antonio Terzi, s'emparaient du thème musical et puis faisaient des variations dessus. Alors vous écoutiez ici successivement une vision chantée d'un madrigal de Palestrina par Rognoni, par la basse François Fauch, avec l'ensemble La Fenice, dirigé par Jean Tubéry. Juste après, il y avait une version pour luth et harpe, je vous disais, d'un luthiste célèbre à la fin du XVIe siècle et qui a fait paraître cette partition à Venise à la fin du XVIe siècle. Donc au luth, on écoutait Matthias Spetter, et puis à la harpe, il y avait Christina Pluhart, alors qu'à l'instant, c'était à nouveau Rognoni sur Pulcra es anima mea, et c'était le cornet de Jean Tubéry, le cornet à bouquin, avec à l'orgue Jean-Marc Ems. D'ailleurs, cette œuvre-là, qu'est-ce que cela donne, version véritablement du compositeur, c'est-à-dire de Palestrina? Thank you. Un madrigal signé Giovanni Pierluigi da Palestrina. Palestrina, notre grand compositeur, interprété ici par Arianna Saval, la soprano, avec les membres de l'ensemble Il Desiderio, et à la flûte et à la direction Thomas Kugler. C'était un madrigal qui s'appelle Vestiva i Colli. Nous étions, je trouve, quand même dans une sorte de doux balancement musical. et en même temps quelque chose d'assez sensuel et de très profond. Alors cette profondeur, on peut la retrouver bien évidemment du côté des musiques religieuses de ce temps, du temps de Palestrina. Tenez, voici pour commencer un anonyme italien. On sait qu'ils sont nombreux, hein, les anonymes, dans les partitions de cette époque. Che bella vita il mondo un villanello. C'est interprété par l'ensemble Huelgas, dirigé par Paul Van Nevel. Giorno orrendo che in faville ti sfarà campagne vile, scrivere con le sibille. Ahimè, che grande errore parrà il giudice in furore, giudico tutti morti d'ogni tomba, Vous êtes sur France Musique avec trois œuvres très particulières, données ici par l'ensemble Huelgas, dirigé par Paul von Nevel, enregistré il y a pas mal de temps, hein, déjà près de plus de 20 ans, l'enregistrement de ces œuvres, avec son ensemble, Paul von Nevel, qui, on le sait, aime comme ça naviguer dans ses partitions de la polyphonie du XVIe siècle, ou avant d'ailleurs. Mais ici, c'était deux partitions anonymes italiennes qui encadraient une œuvre de Vincenzo Ruffo. Et de quoi s'agissait-il ? Tout d'abord, on y parlait de la belle vie du paysan, du pêcheur, de l'ermite, du moine, de la nonne. Donc vous voyez, petit à petit, on passait véritablement du siècle au retrait du monde. Et puis ensuite, il y avait la séquence des morts de Vincenzo Ruffo, le Dies Irae, mais chanté en italien, si vous voulez. Et à l'instant, ce chant de l'âme qui se sépare du corps, comme si la musique italienne du XVIe siècle était là, dans, je dirais, sa polyphonie, quelle qu'elle soit, pour élever l'âme. Thank you. Ce que nous venons d'entendre, c'est vraiment quelque chose d'absolument inouï, d'absolument incroyable. Vous écoutiez l'ensemble Huelgas, dirigé par Paul von Nevel. Un motet, mais pas n'importe lequel, un motet à 40 voix, une des polyphonies les plus complexes qui soient, et les plus impressionnantes, et puis les plus profondes en même temps. Il y a une profusion des musiques, et en même temps une intériorité incroyable, mais une splendeur. Alessandro Striggio, c'est le compositeur de Ecce Beatam Lucem. Et juste auparavant, nous écoutions un motet à 6 voix, presque mini, hein, côté des 40 voix, mais là aussi avec une intensité très forte. C'était signé Pierre de Manchicourt et c'était un Laudate Dominum. Alors Manchicourt, nous étions plutôt du côté du nord de l'Europe, alors qu'à l'instant avec Alessandro Striggio, nous sommes vraiment en Italie. Et ce motet que l'on vient d'écouter date de 1561, au moment où notre grand compositeur d'aujourd'hui et de toute la semaine sur France Musique, autrement dit Giovanni Pierluigi da Palestrina, avait quoi, tout juste 35 ans, disons, à peu près. Hein. Et Palestrina, justement, en cette année 1561, était nommé à Sainte-Marie-Majeure, à Rome. On est en plein concile de Trente. Il est quand même responsable de la musique d'une des plus grandes églises romaines. Et voilà un petit peu l'entourage musical, si vous voulez, que connaît, bien évidemment, Giovanni Pierluigi Palestrina, connaît tout cela. Est-ce qu'il connaît les madrigaux de Luca Marenzio? Je vous en propose trois de ces madrigaux qui, je dirais, ont été composés une vingtaine d'années après ce que vous venez d'entendre. Mais vous allez entendre ici une autre vision, d'autres interprètes profondément italiens, ceux-là, le Concerto Italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini. Je ne vous en dis pas plus parce que Marenzio, c'est quand même un ciseleur musical avec ses madrigaux. Thank you. Une musique italienne extrêmement touchante, celle de Luca Marenzio. On l'appelait le cygne, le plus doux cygne d'Italie d'ailleurs. Et il composait cela lorsqu'il avait une trentaine d'années à peine, Luca Marenzio. Et c'est extrait de son premier livre des madrigaux. C'est paru en 1580. Vous écoutiez à l'instant au théorbe Andrea Damiani dans une diminution, une variation sur le madrigal de Marenzio qui s'appelle Liquidi Perle Amor, l'amour comme perle liquide. Et ce madrigal dans sa version originale, était proposé pour vous cet après-midi sur France Musique par le Concerto Italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini, alors que le premier de ces madrigaux que nous écoutions, signé Marenzio, s'appelait Dolorosi Martir Fieri Tormenti, autrement dit un martyr douloureux, les tourments fiers qui nous entraînent forcément du côté de la religion. Thank you. Voilà, nous sommes retournés du côté de Palestrina, un motet Palestrina, Viri Galilei, les hommes de Galilée, et qui nous entraîne du côté de la messe qui porte le même nom. Nous étions ici avec la chapelle royale, l'ensemble Organum, tous sous la direction de Philippe Hervègue. C'est eux que l'on va retrouver dans un instant. Mais le temps peut-être de signaler comment est-ce que Palestrina compose cette messe, à quel moment, en 1569, c'est-à-dire juste à la fin du Concile de Trente, en pleine réforme catholique, en pleine contre-réforme, comme on l'appelle, au moment où Philippe de Néri, Filippo Néri pour les Italiens, le fondateur de la congrégation de l'oratoire, est un ami de Palestrina. Ils se connaissent, ils ont des rapprochements, je dirais, vraiment spirituels. Hein. Il y a là quelque chose de très important. Et Palestrina prend place dans cette contre-réforme catholique où Philippe de Néri a une place très importante de figure tutélaire. Enfin, il n'est pas le seul, bien sûr. Et c'est comme cela, donc, que Giovanni Pierluigi da Palestrina, notre grand compositeur, aujourd'hui, toute la semaine sur France Musique, compose ce que vous allez entendre, cette messe. Mais après tout, c'est une des 104 messes signées Palestrina, bien sûr. Mais simplement, l'interprétation de Philippe Hervègue et de l'ensemble Organum et de la Chapelle Royale vaut vraiment le détour, je trouve, pour cette messe de Palestrina, un Palestrina que l'on retrouvera demain, puisqu'aujourd'hui, il s'agit, avec lui, d'aller voir comment, précisément, Rome vaut bien quelques messes, et notamment celle-ci. Thank you. Thank you. Oh. Incroyable messe de Palestrina, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était à la fois l'ensemble organum, la chapelle royale, tout sous la direction de Philippe Hervé, enregistré il y a une vingtaine d'années, cette messe qui s'appelle Missa Virii Galilei, la messe des hommes de Galilée. Incroyable, hein, sur des textes de l'offertoire de l'Ascension, avec ce contraste, ces contrastes entre l'homophonie et puis les contrepoints des Alléluia. Enfin, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui de Grands Compositeurs sur France Musique, une émission que l'on doit à Xavier Atto, Victor Buton, Nicolas Lafitte, Anne Voisin et Céline Parfeneuf également.